Une pluie tombe sur tes lèvres d'azur et tes mains de caresse se nouent sur mon cœur. Un soleil danse dans tes yeux en fête et tes mains d'ivresse réinventent mon corps. Il est temps, mon amour, d'aller dormir en cœur de lune dans l'hiver bleu. Allez.